Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Arrestation depuis ce jeudi soir du procureur général près la cour d'appel d'Ongozi. Il serait poursuivi pour avoir libéré des gens coupables de détournement de minerais. Notre correspondant sera en ligne pour les détails. Le président du parti CNDD-FDD demande à ses militants de Makamba de sauvegarder des mots violents comme on a pu en entendre lors des élections précédentes. Le Verien de Kourio s'exprimait ce jeudi en marge de la prière interconfessionnelle organisée par le même parti tous les derniers jeudi du mois. Et le parti Uprona et la coalition politique Burundi-Bugabo se souhaitent que le gouvernement garantisse l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme. Ses réactions interviennent après son maintien au statut A. Nous reviendrons dans ce journal sur quelques sujets abordés dans l'émission publique des porte-parole de différentes institutions ce vendredi. C'est notamment les dossiers concernant les journalistes qui sont en prison aujourd'hui, l'implication du Burundi dans la guerre en cours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Je venais de vous le dire dans les titres, le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi est depuis ce jeudi soir dans les mains du service de renseignement. Prosper Yamouremie serait accusé d'avoir libéré des personnes détenues pour détournement des minerais d'après des informations émanant du lieu de travail à Ngozi. Un des membres de sa famille indique qu'il a été arrêté ce jeudi vers 21h puis conduit à Bujumbura. Apollinaire Muzagara pour les détails. D'après les informations émanant du parquet général près la cour d'appel d'Ongozi et confirmées par les membres de sa famille, le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi, Prosper Yamouremie, a été arrêté 21h30 ce jeudi par la police de renseignement, puis conduit immédiatement à Bujumbura. Son procureur général serait poursuivi pour avoir libéré des personnes incarcérées accusées de détournement de mineurs. Le cas le plus récent est celui d'un homme de Kayanza accusé de détournement de 18 grammes d'or. Après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Kayanza, il a été conduit à la prison pour homme d'Ongozi, mais il y a passé le temps de l'arroser, car il a été libéré quelques jours après, sur mandat d'élargissement libéré par le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi. Selon certains du personnel de ce parc, son dossier de libération de ce détourneur d'or a été évoqué lors d'une réunion que le président de la République du Burundi a récemment tenue à l'endroit des intervenants dans ce secteur mini. La police et l'administration Ngozi confirment cette arrestation du procureur général près la cour d'appel d'Ongozi. Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et le président du parti Uprona déclare avoir bien accueilli la décision du maintien au statut A de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Olivier Nkurunziza demande par conséquent à la CNIDH de continuer à défendre les droits de l'homme, surtout dans cette période électorale. Il demande aussi au gouvernement de garantir effectivement à cette commission son indépendance en ne s'immisçant pas dans son fonctionnement suivi. Au niveau du parti Uprona, nous avons des représentants partout, sur les collines, dans les communes, et nous demandons chaque fois des rapports sur la commission CNDH, comment ils travaillent. Aujourd'hui, je constate qu'effectivement, ils ont plaidé, surtout les gens qui sont emprisonnés par documentation ou par police, et chaque fois quand il y a un secours demandé, ou quand par exemple il y a les cas de déplacés, des personnes humaines qui sont vulnérables et qui demandent secours, ils ont été secourus par la commission. Mais il y a amélioré. Bien sûr, les inquiétudes qui ont été soulevées, qui risquaient de faire tomber dans le statut B, bien sûr, ils ont essayé d'améliorer, d'expliquer, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des problèmes là. Ils ont montré qu'ils ne collaborent pas avec la société civile. Cela, il faut mettre la force ou il faut améliorer et enlever ces inquiétudes qu'au niveau international avait et pour que effectivement les droits de l'homme soient une réalité au Burundi. Et cette commission, comment doit-elle travailler au moment où la période électorale approche? Nous sommes effectivement dans la période électorale. Aujourd'hui, ça ne nous reste que 2 mois, on a déjà commencé pré-campagne. Il faut que la commission suive de près. Parce que c'est dans cette période où il y a les confrontations entre les partis politiques. Il faut qu'effectivement aussi que la commission suive que les droits de l'homme sont respectés, que les gens votent librement, qu'il n'y a pas d'intimidation dans les collines et dans les provinces, pour qu'effectivement la population burundaise exerce leurs droits de vote sans contrainte. Ça aussi, ça fait partie des droits de l'homme. Et quel est l'appel au gouvernement dans le but de faciliter les travaux ou bien la tâche de la CNDH? Cette institution est là d'abord pour aider le gouvernement. Nous savons que le budget que la commission utilise provient du budget de l'État. Il faut qu'effectivement ce budget soit amélioré pour qu'il travaille dans de bonnes conditions. Mais aussi, vous savez, quand il y a problème entre la population et les institutions de l'État, chaque fois, cette institution est là pour pouvoir secourir. Alors, il faut qu'effectivement, chaque fois que le gouvernement ne complique pas la situation de travail de la CNDH. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Le même souhait d'indépendance de la CNDH est également exprimé par le secrétaire général et porte-parole de la coalition Burundi Bugabo. C'est que Fanny Bizi demande au gouvernement. Demande au gouvernement de soutenir cette commission afin qu'elle garde le statut A. Au niveau de la coalition Burundi Bugabo aussi, c'est un sentiment de satisfaction de constater que la CNDH a gardé le statut A après une mise en examen qui a été effectuée par la commission qui est en charge d'octroyer ces statuts. Il s'agit d'une avancée pour la commission et aussi d'une image positive de notre pays à ce qui est du respect des droits humains, parce que quand cette commission perd son statut, il y a certains avantages qu'on devrait avoir qui sont perdus. Mais aussi c'est une image du pays qui est ternie à ce qui est du respect des droits de l'homme. Alors nous demanderions à cette commission de montrer qu'elle mérite effectivement ce statut en continuant ses activités de promotion, de protection des droits humains, en menant des investigations dans l'impartialité et en travers dans l'indépendance, en évitant d'être intimée par telle ou telle autre autorité dans ses activités, mais qu'elle continue à remplir les missions et prescrites dans son cahier de charge. On demanderait également au gouvernement de soutenir effectivement cette commission, notamment en empêchant que telle ou telle autre autorité puisse empêcher cette commission de travailler librement ou qu'il y ait des autorités qui pourraient travailler à ce que les actes qui portent atteinte aux droits humains qui ont été commis ne soient pas investigués, ne soient pas mis à jour ou mis à la lumière de différents observateurs. On demanderait également au gouvernement de continuer aussi à travailler dans le sens de respecter les droits humains, notamment le ministère en charge des droits de l'homme et la direction générale qui en est affectée, pour que nous puissions sauvegarder l'image du pays, mais aussi que tous les Burundais vivent dans le respect des droits de l'homme. Rappelons que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, garde son statut A depuis ce 25 mars, une décision prise par le sous-comité en charge de l'accréditation au sein de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme basée à Genève. Le ministère de la Défense nationale apaise les inquiétudes de la population burundaise concernant la situation en République démocratique du Congo. Au cours de l'émission publique des porte-paroles des institutions animées ce vendredi à Rumonge, le porte-parole de ce ministère a souligné que le groupe M23 ne constitue pas une menace pour le Burundi. Les instances judiciaires se sont prononcées sur la détention des deux journalistes Sandra Muhoza et Kenny Claude Nduwimana, affirmant que les procédures suivent leur cours normal, conformément aux règles en vigueur. Francine Diokugayo. Le porte-parole du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Gaspard Balatuga, a rassuré la population burundaise au sujet de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Il a affirmé qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et a invité les Burundais à ne pas accorder d'importance au groupe armé M23 opérant sur le sol congolais. abarundi bandanye imirimo yabo. Quel est Burundi pour suivre les activités pour le reste? Ceux qui sont chargés de veiller à cela en sont conscients. Que personne ne prête attention à son mouvement parce qu'il n'opère pas au Burundi. N'ayez pas peur, mais restez vigilants parce que l'ennemi peut être quelqu'un d'autre. Détrompez-vous sur ce qui se passe en RDC. Une question a été soulevée concernant le prix élevé de la nouvelle marque de bière Amstel Bright, alors que l'un des ingrédients utilisés, le maïs, est cultivé localement. Onezime Niukuri, porte-parole du ministère du Commerce, a expliqué que l'entreprise Brarodi utilise également d'autres matières premières dont l'achat influe sur le coût final du produit. Il y a une boisson qui vient d'être fabriquée à partir du grain de maïs. Mais il faut savoir que cette fabrication ne se fait pas seulement à base du maïs. Il nécessite aussi d'autres matières premières que la Brarodi importe à l'extérieur et d'autres en provenance de la production locale. Donc le prix de cette boisson n'est pas élevé vu que cette entreprise a besoin de continuer à produire pour éviter qu'il y ait carence de cette bière. La porte-parole de la Cour suprême, Agnès Bangirichenge, s'est exprimée sur les comparutions répétées de la journaliste Sandra Mohoza. Elle a expliqué que ces multiples audiences sont dues au grand nombre de dossiers en attente de traitement. Lorsque le procès est entendu aujourd'hui, c'est qu'il y a un calendrier à suivre. Ainsi donc, l'affaire de Mohoza, tout comme d'autres dossiers, sont récits dans les mêmes tribunaux. On ne garde pas sur ce dossier de Mohoza Sandra, c'est suite au prêteur des dossiers, mais nous les encourageons. Lui disons aussi que les magistrats ont l'objectif de trancher vite les dossiers des détenus prévus. Si les déplacements n'ont pas été faciles, les magistrats vont jusque dans les prisons. Le cas du journaliste Kenny Claude Nduimana, qui a terminé sa peine mais resté en détention, a également été abordé. La porte-parole du ministère de la Justice, Anne-Marie Heshimana, a assuré qu'il existe une instance en charge de l'application des décisions judiciaires et qui est à l'œuvre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le secrétaire général du parti au pouvoir, CNDD-FDD, déclare que le Burundi connaît une avancée en matière électorale au regard de la tranquillité qui règne au pays durant cette période préélectorale. Il appelle les militants de ce parti de se garder de la violence verbale qui a caractérisé les élections antérieures et à la population en général de vaquer à leurs activités quotidiennes au lieu de se laisser distraire par ces élections. Il a tenu ses propos ce jeudi dans la province de Makamba, au cours d'une prière interconfessionnelle organisée par le même parti tous les derniers jeudis du mois. Élise Kwizera. Au moment où il ne reste que 2 mois et quelques jours pour que les élections des députés et des conseils communaux commencent, Révérien Dikuriyo, le secrétaire général du parti au pouvoir CNDD-FDD, signale que le Burundi va de l'avant en matière des élections, puisque le pays est paisible en cette période préélectorale. Il indique qu'il ne s'observe pas des membres ici des différents partis politiques qui s'insurgent. Ce secrétaire général affirme que, dans les années antérieures, les membres du parti au pouvoir proféraient des insultes à sein d'autres partis. Il donne l'exemple de la commune Kayogoro, en province de Makamba, où les militants de ce parti appelaient les autres Abagouji. Révérien Dikuriyo fait savoir que la profération des insultes ou mots violents constitue un interdit au sein du parti CNDD-FDD et appelle à ses militants, dit Abagounyabanga, de mettre fin à cette mauvaise attitude. Il appelle à la population de s'atteler aux travaux de développement au lieu d'être distrait par les prochaines élections. Ces propos ont été tenus ce jeudi dans la province de Makamba au cours d'une prière interconfessionnelle organisée par le parti au pouvoir tous les jeudis de la fin du mois. De Makamba, Élise Kwizera, Radio Isanganiro. 2000 naissances sont enregistrées par mois dans la province de Kirundo suite à l'introduction de l'approche. 2000 naissances sont enregistrées par mois dans la province de Kirundo. Suite à l'introduction de l'approche d'interopérabilité des services de l'état civil, Déclaration du contrôle de déclaration du contrôleur de l'état civil en cette province, Grace Itangishaka, qui précise qu'avant cette approche, seules 150 naissances étaient enregistrées mensuellement. Les mamans qui désormais font enregistrer leur nouveau-né à l'état civil auprès des structures de santé où elles accouchent saluent cette approche qui leur a permis de réduire leurs dépenses pour la recherche des extraits d'actes de naissance. On fait le point avec Jean de Dieu Irakoze qui a été à Kirundo. C'est une des mères qui faisait enregistrer leur nouveau-né dans le registre d'état civil au centre de santé Rukuramigabo, si dans la zone Tchewe, à près d'une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la commune Kirundo. Cette mère de 4 enfants apprécie qu'elle n'ait plus de souci de faire enregistrer son enfant grâce à la mise en œuvre de cette approche d'interopérabilité. Avant cette approche, l'on pouvait passer une année sans faire enregistrer l'enfant à cause des défis de transport. Actuellement, on ne peut pas passer un mois sans avoir cet acte de naissance. Ce document qui préoccupait les mères qui accouchent ne l'est plus avec cette approche. Le temps et le coût de transport ont été réduits. Cette autre mère de 5 enfants apprécie qu'avec cette approche, la distance et le coût de transport ont été réduit. Avant, l'on se déplaçait à vélo ou à moto, selon les moyens pour chercher ce document. Les moyens de déplacement étaient abordables. Sinon, actuellement, pour se rendre au chef-lieu de la commune Kirundo, le ticket est fixé à 15 000 francs burundais à moto et à 4 000 à vélo. Le titulaire de ce centre de santé, Claver Mbonima, quant à lui, rapporte que le problème des parents qui étaient obligés de payer la totalité des soins octroyés à leurs enfants pour cause de manque d'extrait d'actes de naissance ne se pose presque pas. Il y avait des enfants qui venaient se faire soigner sans les extraits d'actes de naissance. Quand un enfant vient ici se faire soigner sans extrait, il revient aux parents de payer tous les soins que le centre de santé octroie à cet enfant. Les soins qui étaient payés par les parents pour les enfants sans extrait d'acte de naissance, maintenant, il n'y en a pas. Parce que presque tous les enfants ont des extraits d'acte de naissance grâce à l'interopérabilité. Cette approche a permis d'augmenter le nombre de naissances enregistrées dans les délais légaux par mois dans la province de Kirundo, souligne le contrôleur d'état civil dans cette province. Grace Itangishaka indique qu'avec l'interopérabilité, les naissances enregistrées à l'état civil se situent entre 1800 et 2000 par mois, au moment où elles se situaient entre 100 et 150 naissances, avant son introduction. Si on regarde les enfants qui étaient enregistrés dans les 15 jours, ils étaient très peu nombreux parce que c'était autour de 100 enfants et pour toute la province par mois. Mais maintenant, avec l'interopérabilité, avec les 25 CDS qui ont commencé, on avait entre 500 et 800 enfants qui ont été enregistrés à l'état civil au niveau des centres de santé. Avec 35 CDS, on a monté jusqu'à 1400, 1300 enfants. Maintenant, avec la couverture totale des centres de santé de Kirundo, on voit que les enfants sont entre 1800 et 2000 enfants enregistrés à l'état civil, surtout dans les centres de santé, à part ceux qui ont été enregistrés à la commune ou au niveau des zones. Le coordinateur du projet Giriwanyu Kibondo de la Fondation STAM et partenaire de l'UNICEF de mise en œuvre de cette approche indique que la province de Kirundo a été choisie du fait qu'elle renformait plus d'enfants non enregistrés à l'état civil. Diomède Niongabo précise qu'avec le soutien de l'UNICEF, cette approche a commencé dans les autres provinces qui connaissent des défis similaires, notamment la province de Kayanza. Depuis 2017, en collaboration avec l'OACR qui soutient le gouvernement du Burundi, beaucoup de réfugiés sont retournés au pays. Les chiffres qui étaient disponibles à cette époque révèlent que la province de Kirundo avait plus de vulnérables, avait plus d'enfants alors qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. C'est pourquoi justement on approche le programme d'interopérabilité a commencé à Kirundo. Pour cette année 2025, le programme a été élargi sur la province de Muyinga dans 25 informations sanitaires avec l'appui de l'UNICEF, Fondation STAM comme partenaire de mise en œuvre. Le même programme est en train d'être étendu à Kayanza toujours avec l'UNICEF comme bailleur, mais avec un autre partenaire qui est SAD. Ce coordinateur révèle que 3941 naissances ont été enregistrées les mois de janvier et février 2025 dans cette province. Pour lui, le grand défi auquel la mise en œuvre de cette approche d'interopérabilité se heurte reste sa digitalisation. Jean de Dieu, il a causé de retour de Kirundo. Et on termine ce journal par la compétition Isanganiro Awards. Et pour la première fois, l'on vous fait découvrir les artistes dont les chansons sont en lice dans la phase finale de cette 13e édition. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre le parcours d'un groupe musical YM Music, un duo en provenance de la province Makamba, réunis pour apporter leur pierre à l'édifice musical burundais depuis 2023, avec jusqu'ici 5 chansons, dont Umufana, qui dispute le titre de la chanson de l'année sur Radio Isanganiro. On fait le point avec Jérôme Hakizimana. Originaire de la province de Makamba, au sud du Burundi, Fissimana Méthode, connu dans l'industrie musicale sous le nom de MT, s'est allié à Niyonkuru Yann Jebel, connu sous le nom de celle de Yanji, pour enfin fonder en 2023 un groupe musical qu'ils ont appelé YM Music, via le phénomène dit apocope, consistant à retenir les premières lettres de leur nom populaire, dont Y venant de Yann et M venant de Méthode, pour enfin obtenir YM Music en anglais. Un homme sage apprend des autres, un homme stupide pense qu'il sait tout, disaient nos ancêtres. Ce duo musical YM Music affirme que certains des artistes qui les ont beaucoup inspirés sont notamment Chris Brown des États-Unis d'Amérique, Rema et John Drill du Nigeria, ainsi que Big Fizzo et Sabi du Burundi. Jusqu'ici, ce duo YM Music a déjà sorti 5 chansons, toutes ayant des images vidéo. Parmi ces dernières, celles qui ont rencontré un grand succès sont surtout le titre « Comme ça » réalisé en collaboration avec l'artiste très populaire du Burundi, Sadbi, la chanson intitulée « Umutima » qui a d'ailleurs été chanson du mois dans l'émission EAC Live Show de la radio Ndiragakura en cette même année 2025, ainsi que la chanson « Umufana » réalisée en featuring avec l'artiste Alvin Smith, laquelle s'est d'ailleurs classée première parmi les 7 chansons top 7 des artistes émergents en 2024. C'est également cette même chanson de YM Music qui est en lice pour le titre de chanson de l'année sur la radio Isanganiro, dans le cadre de sa 13e édition de la compétition Isanganiro Award, actuellement dans sa phase finale. Le groupe YM Music utilise presque toutes les plateformes sociales déjà disponibles au Burundi dans la promotion de leurs œuvres musicales, principalement en style R&B et hip-hop, mais aussi dans le cadre de les faire connaître davantage. Actuellement, le groupe YM Music poursuit ses activités musicales dans la ville de Bujumbura sous le management d'Alan Cool Entertainment. On termine ce journal par cette nouvelle brève du football africain. La Confédération africaine de football a confirmé ce jeudi 27 mars le désistement de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la CAN 2025 des moins de 20 ans, prévue fin avril prochain. Et c'est désormais l'Égypte qui hérite de l'organisation de la compétition dans laquelle les jeunes Ivoiriens ne prendront pas part. En effet, les éléphantaux à l'origine non qualifiés, mais qui avaient finalement obtenu leur ticket grâce à l'organisation à domicile, sont boutés hors du tournoi. Le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 des moins de 20 ans se jouera le dimanche 27 avril 2025 et la finale le 18 mai 2025. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.